un rassemblement des permanentes et des membres de l'Union des femmes pour féliciter la réussite au tir expérimental de la fusée balistique intercontinentale, grand événement heureux dans l'histoire coréenne, a eu lieu le 10 courant dans la cour d'honneur du musée des hauts faits révolutionnaires de Chunsung. Les orateurs ont souligné comme ce qui suit. La réussite complète au tir d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14 est la manifestation de l'esprit héroïque et de la puissance nationale inépuisable de la puissance Pectosan en progression énergique avec la capacité de se renforcer elle-même. C'est aussi une grande victoire caractérisée par un coup mortel asséné aux ennemis qui s'évertuent à empêcher le progrès dynamique de la Corée. Nous rendons gloire et présentons nos félicitations chaleureuses au dirigeant suprême Kim Jong-un, qui a fait briller au niveau suprême la capacité d'ensemble et la position stratégique de notre République et qui a assuré fermement l'avenir éternel de la Corée du Sud. Nous militerons dynamiquement pour la victoire finale de l'œuvre révolutionnaire du Sud, suivant la voie tracée par le 7e congrès du Parti du Travail de Corée.